Le 25 juillet, on a dévoilé que les États-Unis tentent de déployer en Corée du Sud le missile Patriot 3 dernier cri. Sa hauteur d'interception est deux fois supérieure par rapport à l'actuel missile Patriot 3. Les Américains prévoient de le disposer l'année prochaine à leurs troupes en Corée du Sud. Ce projet, établi à la suite de la publication de la disposition du SAT en Corée du Sud, il y a peu de temps, prouve que Washington prévoit d'établir le plus vite possible le système antimissile pour la provocation d'une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne.